Repérez vos points forts et vos points faibles. Compréhension de l'oral. Comprendre une annonce dans un aéroport. Exercice 1. Annonce 1. Nous vous rappelons qu'il est interdit de transporter des produits de beauté de plus de 100 ml dans vos bagages à main. Nous vous recommandons de les placer dans les valises qui iront dans les soutes de l'avion. Annonce 2. Depuis le 1er février 2007, fumer est interdit dans les aéroports parisiens. Il est possible pour les passagers qui le souhaitent de fumer à l'extérieur des terminaux. Annonce 3. Les passagers du vol Air France 456 à destination de Sao Paulo sont priés de se présenter porte B56 pour embarquement immédiat. Annonce 4. Le vol Air France 164 à destination de Ho Chi Minh est retardé pour des raisons techniques. Nous invitons les passagers à prendre contact avec nos hôtesses pour de plus amples informations. Annonce 5. Nous sommes au regret de vous informer de l'annulation du vol Air France 325 à destination de Rome en raison des très mauvaises conditions climatiques à l'aéroport d'arrivée.